c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences. Une molaire, deux siècles d'enquête et le monde fossile s'éclaire. Ainsi pourrait-on résumer le travail mené par trois chercheurs qui nous livrent aujourd'hui, sous forme d'un livre « Le secret de l'archéobélodon, deux siècles d'enquête sur un fossile mythique ». L'histoire de ce joyau au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et qui trône en bonne place dans la galerie de paléontologie. Grâce à l'enquête à la Tintin, menée par un jeune chercheur et conservateur du patrimoine, Alexandre Mille, avec le soutien de deux paléontologues de renom, Pascal Tassy et Jean-Guy Michard, le mastodonte de Sansan, devenu archéobélodon, a désormais retrouvé son histoire et sa réelle identité. Une aventure qui nous emmène de l'époque de Cuvier à aujourd'hui, d'une molaire de mastodonte et de restes fossiles découverts à Sansan dans le Gers au début du 19e siècle, jusqu'à l'animal reconstitué et restauré. C'est tout le récit de la découverte de ces fossiles, de leur exhumation, de leur analyse, de leur montage, des réajustements successifs survenus au fil des siècles, qui nous est offert. Sans oublier l'histoire de l'évolution de la pensée scientifique au cœur de l'histoire des sciences et de cette aventure. En direct du studio 158 de France Culture, nous sommes en compagnie de deux des auteurs du livre « Le secret de l'archéobélodon », un livre paru aux éditions Belin avec le Muséum, Alexandre Mille, conservateur du patrimoine, et en duplex de nos studios de France Bleu Toulouse, Pascal Tassy, paléontologue, professeur émérite du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et nous vous proposons de plonger dans cette enquête, une histoire qui nous donne aussi l'occasion, vous allez le voir, de nous interroger sur la présentation de ces objets fossiles au public et sur la rénovation sans cesse repoussée de la galerie de paléontologie du muséum. Une première partie émaillée de textes lus en direct par Régis Royer et d'archives sonores de l'INA retrouvées par Anaï Morales et Gwen Michel. Et puis en seconde partie d'émission, à 14h45, en partenariat avec le magazine Pour la Science, nous découvrirons l'histoire du daguerréotype, invention et procédé photographique que le physicien Edmond Becquerel détourna pour en faire un instrument d'analyse de la lumière solaire au 19e siècle. Et c'est Jérôme Fatté, maître de conférences en histoire et épistémologie des sciences à l'Université de Limoges et auteur de l'article « Le daguerréotype qui mesurait la lumière » qui nous en livrera la trame historique et scientifique. Mais pour l'heure, qui se cache derrière le mastodonte dit de Cuvier ? Mastodon angustidens de Cuvier. Le squelette a été monté par Lorillard avec des pièces que ce naturaliste a recueillies en 1851-1852 dans le Miocène moyen de Sansan, dans le Gers. On a ajouté quelques os de membres qui ont été trouvés dans le même gisement par l'artère. Ce proboscidien diffère des éléphants par son corps plus allongé, son cou moins raccourci, ses membres moins élevés, son menton très allongé qui porte des défenses ainsi que la mâchoire supérieure, ses défenses garnies d'une bande d'émail et ses molaires mamelonnées qui indiquent un régime omnivore comme celui des pachydermes du groupe des cochons. C'est un type moins spécialisé, moins divergent que celui des éléphants et même que celui du mastodonte. Oioticus. Bonjour Alexandre Mille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je me tourne tout de suite aussi vers les studios de Toulouse. Bonjour Pascal Tassy. Bonjour. Alors, vous venez tous les deux d'entendre la lecture du cartel, en fait, d'un ancien cartel qui accompagnait le fameux squelette de Sansan. Est-ce que vous pouvez d'abord, peut-être, avant d'aller plus loin, nous décrire ce fameux mastodonte dont l'histoire a connu bien des rebondissements ? Pascal Tassi ? Bien, ce mastodonte-là, il était proche d'un éléphant. Bon, comme il vient d'être dit, il était allongé, plus bas sur pattes, et surtout tout en mâchoire, avec un long museau, ce qui lui donne une silhouette évidemment éléphantine au premier regard et surprenante par ses proportions et cette tête bizarre. Et c'est ce qui a étonné les paléontologues qui l'ont découvert il y a 2 siècles. Alors Alexandre Mille, le cartel, finalement, il trônait toujours au muséum ces dernières années aussi, non ? Il a trôné au muséum jusqu'en 1998. Et oui. Il est resté là pendant près d'un siècle, avec le descriptif que vous venez de nous lire. Et donc quelques erreurs, et tout ça, ça nous amène à essayer de comprendre avec vous, justement, la raison de cette enquête que vous avez menée. Quel a été le facteur déclenchant, finalement ? Le facteur déclenchant, Pascal, tu t'en souviens ? C'était... C'est délicat de ramener en fait, ça. Je dirais plutôt le que c'est... facteur des... Vas-y. Pascal Tassi, allez-y. Le facteur déclenchant, c'était la rénovation prévue de la galerie pour le centenaire en 1998 avec cette exposition de préfiguration qui s'appelait Ossements. Et avec Jean-Guy Michard, on s'était posé des questions sur l'histoire de ce squelette dont on savait déjà qu'il n'appartenait pas à l'espèce décrite par Cuvier, bien que les deux espèces ressemblaient beaucoup. Ça, c'était une découverte très récente. Et on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'archives disponibles concernant la découverte, le montage du squelette et ses pérégrinations, en dehors, pour caricaturer presque, ce qui était écrit dans l'ancien cartel. Et alors à partir de là, Alexandre Mille, vous êtes lancé dans une enquête, c'est ça ? Tout à fait, à partir de là, je me suis lancé donc dans cette enquête. J'ai essayé de retrouver les archives, à la fois dans le laboratoire de paléontologie et dans les fonds du muséum, mais également dans la mémoire des personnels de l'institution sur les dernières années, qui sont les moins bien documentés au final. Et nous vous livrons aujourd'hui cette histoire. Alors cette histoire, elle part... j'ai dit de Cuvier et d'une molaire de mastodonte à dents étroites, d'où le mot d'ailleurs qu'il a inventé. C'est à lui qu'on doit ce mot mastodonte. Mastodonte, qui veut dire à dents mamelonnées, effectivement, en forme de mamelle. Donc pourquoi est-ce qu'on démarre avec Cuvier ? Parce que c'est pas complètement encore le site de Sansan. Cuvier livre, au début du 19e siècle, une somme sur la paléontologie. Et dans cette somme, il étudie notamment les restes qui étaient à sa disposition à l'époque, notamment ceux du mastodonte américain, qui étaient les plus complets. Le fameux Oyoticus, hein, c'est tout ça ? Tout à fait. Mmh. Voilà. Il y a une figure qui est connue notamment de cet ouvrage où Cuvier restitue l'apparence que devait avoir le squelette monté de ce mastodonte américain. Alors, il y a quelques restes qui sont trouvés en France, ces fameuses dents dont vous venez de parler. Et malheureusement, il n'y a pas encore à l'époque de Cuvier d'autres matériels. Mais tout de suite naît le fantasme de cette possibilité de reconstituer un mastodonte français qui puisse trôner fièrement dans les galeries à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Et finalement, Pascal Tassi, c'est dans le Gers que l'on va trouver un site incroyable, le site de Sansan. On le découvre à partir de quand ? C'est à partir de la fin des années 1830 que Édouard Larté fouille ce gisement, qui était très proche d'ailleurs de la petite ville de Simor, qui avait livré à Cuvier les molaires qui lui avaient permis d'envisager l'existence d'un mastodonte qui était différent de celui connu en Amérique du Nord. Donc, Sansan devient célèbre grâce aux travaux de Larté, et ce site, qui est au sud de la ville de Auch, eh bien, ce site a été fouillé depuis régulièrement, avec des périodes intensives, des périodes de calme, et puis les fouilles reprennent. Enfin, ce site est finalement le plus important pour ce qui concerne la paléontologie en milieu continental du tertiaire moyen, c'est-à-dire aux alentours de 15 millions d'années. Et Pascal Tassi, Édouard Larté, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur lui. C'est un amateur, hein, c'est un avocat. Alors Larté est un avocat et il était très aimable, il donnait de nombreux conseils à qui voulait les lui demander et c'est un fermier du site de Sansan qui, pour le remercier, lui offre ce qu'il trouvait sur son champ, plus ou moins régulièrement, c'est une grosse molaire. Et comme l'Arte était un collectionneur, un naturaliste amateur, pourrait-on dire, il s'est piqué au jeu. Et petit à petit, il est devenu non seulement un fouilleur, un découvreur et un paléontologue professionnel, puisqu'en fait, Édouard Larté a fini sa carrière professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui n'était pas encore national d'ailleurs à l'époque. Et cet apogée dans cette carrière est arrivé un peu tard, car Larté était déjà très malade et il n'a jamais pu véritablement enseigné au muséum. Il n'en reste pas moins que son œuvre de paléontologue est considérable. Exactement. Et alors lui, si j'ai bien compris, sa première lettre envoyée au muséum date du 13 février 1834, hein, 2 ans après la mort de Cuvier, où là il signale le gisement. Et puis je vous propose d'écouter tout de suite l'extrait d'une autre lettre. C'est la lettre du chimiste Eugène Chevreul, successeur de Jussieu à la tête du muséum. Il écrit au préfet du Gers ceci en juin 1835. L'administration du Muséum d'Histoire Naturelle, en recevant l'étonnante collection d'ossements fossiles que M. Lartet lui a fait parvenir dans 3 envois successifs, nous a chargé d'être auprès de vous son interprète et de vous adresser ses plus sincères remerciements pour vos interventions auprès de M. Lartet, en vous assurant que jamais, peut-être depuis que l'on s'occupe de l'étude des espèces animales de l'Ancien Monde, l'on avait découvert en France une localité plus intéressante que celle qui vient d'être explorée si utilement par M. Lartet. Permettez-nous donc d'espérer que vous voudrez bien continuer de l'encourager dans ses recherches et d'appuyer la nouvelle demande de fonds que nous faisons au ministère en sa faveur. Aussitôt que les objets envoyés par M. Lartet auront été placés et classés, nous nous empresserons d'en faire part au chef-lieu de votre département, si son administration croit devoir y attacher quelque importance. Alors Alexandre Mille, on sent que le muséum et le préfet du Gers vont donc se coupler finalement et pour faciliter les recherches de l'Arte. Les scientifiques du muséum ont senti qu'il y avait une manne véritablement dans ce gisement. Et de fait, dans les années qui vont suivre cette demande aux autorités d'appuyer l'Arte, il va y avoir une découverte majeure sur le site, à savoir le premier reste fossile de primates découvert. En concurrence avec les Anglais qui le découvrent à peu près en même temps dans les Indes. Mais c'est finalement l'Arte qui a... Une mâchoire, c'est ça hein, c'est une mâchoire, singe une mâchoire fossile, inférieure. Découverte en 1837. Alors, exactement. Hein. Oui. Donc très peu de temps après, effectivement. Mm. Mais du coup, qui remet en question la pensée fixiste de Cuvier, de Tout ses disciples. Oui. Donc c'est effectivement une révolution à ce moment-là dans le domaine de la science. Et alors, ce sont les débuts de la science paléontologique. Elle est faite de balbutiements, de tâtonnements. On sent tout cela. Pascal Tassi, c'est un véritable défi taxonomique aussi à relever, là, ce qui se passe à Sansan. Pratiquement tous les fossiles qui sont découverts à Sansan posent des questions, beaucoup plus qu'ils ne permettent de résoudre les problèmes. Effectivement, vous avez raison, la paléontologie balbutie, mais en même temps, elle accumule des données inédites à l'époque et elle s'enrichit considérablement. Autrement dit, elle gagne en maturité à la fois sur le plan des données et sur le plan de la réflexion scientifique. Et vous dites, elle s'enrichit, effectivement, on peut citer en 1851, donc avec Charles Lorillard, hein, qui était mentionné au début dans le premier texte d'ailleurs, qui va partir travailler sur le chantier de Sansan, donc aux côtés de l'Arte. On découvre des mâchoires de jeunes mastodontes, une tête osseuse préservée. En tout, je crois, 800 à peu près fossiles vont être amenés à Paris. Absolument. Il faut bien se rendre compte que pour Lorillard, qui était le bras droit de Cuvier, qui a vécu dans l'ombre du maître, c'est une sorte d'apothéose. En fait, quand il s'apprête à aller à Sansan, il a 67 ans. Faire la mission Paris-Sansan aujourd'hui, c'est facile. À l'époque, c'est une grande aventure. C'est pratiquement l'équivalent de traverser les États-Unis par la route 66. Donc, pour Lorillard, il est en train de vivre quelque chose d'émotionnel. Et puis, il a une chance qui était prévisible si on avait suivi de près les fouilles de l'Arte, hein, qui a bien préparé le terrain. Mais il trouve des fossiles que personne n'avait encore jamais trouvé, notamment de nombreux rhinocéros Et bien sûr, l'animal qui nous occupe aujourd'hui, le mastodon, qui ne s'appelle pas encore, et il s'en fout beaucoup, l'archéobélodon. Alors on retourne justement du côté des archives avec cette lettre de Charles Lorillard à Georges-Louis Duvernoy, titulaire de la chaire d'anatomie comparée. Il écrit le 8 juin 1851. Monsieur Lartet s'est mis à rapprocher et souder ensemble des tronçons de défense de mastodon tapiroïdes, ce qui a montré un fait assez curieux. Dans le mastodonte longirostre, il existe sur la face antérieure ou concave des défenses une bande d'émail, tandis que dans le tapiroïde, c'est à la face inférieure ou convexe que l'on trouve cette bande, qui est peut-être plus étroite en comparaison que dans le longirostre. L'ivoire paraît aussi être un tissu plus dense. Cette bande d'émail ainsi placée dérange un peu ma théorie. Je regardais les mastodontes comme des rongeurs, de grands rats, à la bande d'émail des défenses représentait ainsi la face antérieure des incisives. Mais ici, c'est comme si l'émail était placé à la face postérieure des incisives. Je suis tout dérouté. On peut penser à la vérité que la pointe des défenses de ce mastodonte était tournée en bas, comme celle des défenses du dinotherium, et que la tête présentait cet aspect. Enfin, je ne vois point d'autre moyen de sauver la théorie. Si vous en savez un autre meilleur, je l'accepterai volontiers. Et si vous n'en avez pas et que vous ne veuillez pas accepter le mien, nous rejetterons toute théorie. Oui, ce serait peut-être le plus sage. Mais ce n'est pas celui qui satisfait le plus l'esprit. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alexandre Mille, elle dit beaucoup de choses, cette lettre. Elle dit beaucoup de choses, effectivement. Déjà, comme on l'a vu, les découvertes faites à Sanson ébranlaient les certitudes. Et comme à chaque fois que les certitudes sont ébranlées, on va avoir des mouvements de vers l'avant, mais aussi de résistance. Et là, en l'occurrence, Lorillard essaye, avec les éléments qu'il a, de reconstituer le crâne. Donc, à savoir qu'aucun crâne n'a été découvert avec les défenses en connexion. Donc, il le fait à partir des comparaisons qu'il dispose, de savoir théorique qu'il a. Et avec cela, il oriente les défenses au final comme elles devraient l'être, comme elles l'ont été, comme du vivant de l'animal, c'est-à-dire pointant vers le bas. Mais par la suite, ce n'est pas Lorillard qui s'occupera du montage, et on le verra plus tard, mais les défenses au muséum, par les professeurs, etc., seront réorientées comme le modèle qui est connu, le seul modèle proboscidien qui est connu à l'époque, c'est-à-dire l'éléphant, les pointes tournées vers le haut. C'est dans ce sens-là, hein, Pascal Tassi, je disais, c'est un véritable défi taxinomique à relever, hein, pour ces chercheurs, parce que, bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup de clés de compréhension, on les a pas toutes, hein, mais on ne sait pas, en tout cas, à leur époque, que plusieurs espèces de mastodontes avaient cohabité dans cette ère cénozoïque. Exactement. Le piège des découvertes fossiles, c'est que le premier mastodonte mis au jour, le mastodonte américain, celui que Cuvier appelait gigantesque et qui s'appelait aussi de l'Oyo, eh bien ce mastodonte il ressemblait aux éléphants par la forme de ses défenses, y compris de sa mâchoire. Donc tout plaidait dans le sens d'une posture éléphantine chez ces mastodontes. Et effectivement, à son sens, ce n'était non seulement pas le cas, mais ce n'était pas le cas aussi pour de plusieurs espèces. Et de tout temps, il a toujours été difficile, à partir de restes fragmentaires, d'évaluer a priori le nombre d'espèces qui sont représentées par ces fossiles. Donc, tout à fait au milieu du 19e siècle, les paléontologues sont en train de construire une histoire dont ils n'ont pas du tout une idée de l'extension réelle. Et alors ce spécimen-là, on va l'exposer assez tôt quand même dans l'ancienne galerie d'anatomie comparée, je crois, c'est ça? Oui, il va être exposé assez tôt. Oui, ce sera parmi les premiers spécimens qui seront exposés, parmi les premiers spécimens reconstitués véritablement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc à l'époque, est-ce qu'on sait qu'il est déjà composite? Il n'était pas achevé en tout cas, quand on le présente. Il n'était pas achevé, tout à fait. Ça jurerait avec ce qu'un visiteur d'aujourd'hui attend d'un spécimen exposé, mais effectivement, il n'y avait... il n'y avait que la moitié des pièces qui étaient montées. Et donc il y a des chercheurs qui trouvent, il y a des bizarreries qui sont observées, il y a des contradictions, il y a ces chercheurs qui, comme Lorillard, qui ont des doutes. Donc finalement, il y a toute la question de la détermination, de la préparation des fossiles, de la reconstitution finalement. Qui va s'y atteler d'ailleurs? Donc vous disiez, c'est pas Lorillard qui va le faire. Dans un premier temps, c'est Lorillard qui va le faire au retour de sa deuxième campagne en 1852. Malheureusement, il va décéder en janvier 1853 et donc il ne va pas pouvoir poursuivre le montage qui est en route. Et c'est ses assistants, sous l'œil du professeur d'anatomie comparée, pour reprendre l'expression, qui vont achever ce montage. Et le professeur, c'était qui à l'époque? C'était Georges-Louis Duvernois. D'accord. Et alors intervient un certain Hérissé, parce que dans votre livre, à un moment, il y a une phrase formidable, vous écrivez « Aurons-nous la cuistrerie de critiquer le travail de Hérissé qui a fait la charpente métallique et ses continuateurs ?» Oui, un peu. Vous y allez franchement, Pascal Tassi, vous étiez derrière la plume également, ou il faut nous donner des explications là. Effectivement, vu d'aujourd'hui, en 2015, on peut ergoter sérieusement sur la qualité du montage. Sauf que si l'on se situe à l'époque, c'est la première fois que les naturalistes montent un squelette fossile. Ils le montent comme un fossile, comme un actuel, où on se donne la liberté de percer les os pour installer les tiges métalliques qui vont maintenir le squelette. Alors, percer les os, minéraliser les fossiles, c'est une autre affaire. Et en même temps, cela va détruire certaines particules qui vont pas choquer le visiteur qui fait le tour du squelette, mais qui risque de choquer le spécialiste qui se penche sur tel ou tel détail anatomique, ce qui a été effectivement le cas des paléontologues du XXe siècle. Donc nous nous sommes laissés aller à critiquer un peu le travail de Hérissé, pour la simple raison que nous le louons par ailleurs assez souvent. En fait, ce squelette doit tout à l'opiniâtreté et au talent de Merlieu, l'artiste, et Hérissé, le socleur. Il doit beaucoup aux hommes de l'ombre, en fait. Et oui, et alors, autre homme qui intervient dans le parcours de ce squelette de Sansan, c'est Albert Gaudry, parce qu'en 1879, finalement, le destin du squelette de Sansan va basculer. Il passe, avec toute la collection des fossiles, sous l'administration du professeur de paléontologie, donc Albert Gaudry, paléontologiste évolutionniste d'ailleurs, il faut le préciser, ça joue son rôle. Et c'est vrai que Gaudry va définitivement établir que les défenses supérieures étaient courbées vers le bas, et il continue quand même à se poser des questions. On en prend la mesure dans le texte, justement, une discussion. Albert Gaudry, en compagnie d'un gardien du Muséum National d'Histoire Naturelle, 21 juillet 1898. Notre mastodonte Angustidens n'est-il pas étonnant avec son long menton, ses quatre défenses entre lesquelles devait passer une trompe dont nous concevons difficilement la manœuvre? Ces quatre défenses. C'est pourquoi mon collègue d'Amérique, le paléontologue et anatomiste Edward Kopp, a proposé un nouveau nom de genre tétrabellodone. Mais est-ce vraiment utile? À votre avis, comment cet animal pouvait-il se servir d'une trompe? Car il en avait une, indéniablement. Lorillard a effectué le montage avec les connaissances de l'époque et les nouvelles découvertes m'ont permis de corriger quelques petites erreurs. Mais la trompe, vous qui n'êtes pas spécialiste de paléontologie, auriez-vous une idée de bon sens sur cette question de la trompe? Une idée qui nous aurait échappé? Monsieur le professeur, il est vrai que je ne suis guère versé dans ces sortes d'affaires, mais j'ai parfois entendu, bien malgré moi bien sûr, d'autres professeurs dire que votre science n'était pas très exacte, car les os fossilisés avaient subi des déformations et qu'il fallait le génie de notre maître Cuvier pour rétablir la forme d'origine. Ah, donc vous pensez à une déformation sans véritable fracture ? Lorillard connaissait son affaire, ne l'oublions pas. C'est vrai qu'il est décédé avant de terminer ce montage, mais Merlieu s'était appliqué avec zèle à respecter ses directives. Oui, bien sûr, mais toutefois, si vous me permettez une remarque, professeur, c'est la longueur de la mâchoire du bas qui est bien gênante. Je me demande à quoi cela pouvait bien lui servir à votre mastodonte. En modifiant la forme des deux défenses du bas, en les écartant, cela libère un peu de la place pour les mouvements d'une trompe. Et je ne sais pas trop, moi, d'où elle partait, cette trompe. Il faudrait faire un dessin ou une sculpture de l'animal reconstitué pour qu'on comprenne. Ah oui, point d'interrogation. Hein. En ce jour important d'ailleurs, Alexandre Mille, 21 juillet 1898. C'est l'ouverture de la galerie d'anatomie comparée, de paléontologie et d'anthropologie au muséum de Paris. Donc inauguration officielle en présence des hautes autorités. Et alors dans ce texte, on entend justement un autre nom, Tétrabélodone. Dites-nous, il faudra attendre encore combien de temps pour véritablement rendre son identité à ce squelette de Sansans? Et sa forme, Pascal Tassi? Il faut attendre les années 80 où on se rend compte de son affinité taxinomique réelle. À la suite de décennies de questions, le texte de ce dialogue fictif de Gaudry avec son gardien montre bien les questions non fonctionnelles, pas simplement anatomiques, mais fonctionnelles. Comment se servit-il de sa trompe ? Gaudry, d'ailleurs, qui avait finalement mis la main à la reconstitution finale de ce squelette pour l'exposition de 1898, pour ce nouveau bâtiment de paléontologie, Gaudry était anxieux de savoir si le public allait prendre la mesure de la qualité de cette restauration finale et de cet éléphant qui n'était pas tout à fait un éléphant. Et finalement, il a été rassuré par les titres de la presse dès le lendemain qui parlaient de cet étonnant mastodonte tout en mâchoire en défense et dont on se demandait comment il pouvait actionner sa trompe. Vous voyez, on avait de grandes questions à cette époque-là en matière d'histoire naturelle. Aujourd'hui, les titres touche plutôt du côté de « faut-il laisser Zlatan Ibrahimovic sur le banc de touche » par exemple. À chaque époque, c'est grande question. Oui, je ne relèverai pas celle-ci en tout cas, Pascal Tassi. Mais pour l'histoire, revenons justement à ce squelette de Sansans. Il faut attendre les années 70. C'est vrai que ça nous paraît extrêmement long, mais comment est-ce qu'on explique ça? Et dans le livre que vous nous révélez aujourd'hui, on se rend compte que c'est grâce à un paléontologue allemand, Tobin, qui va faire ce travail. Il va enfin rendre la véritable identité à ce mastodonte qui n'en est pas un finalement. C'est si long cette recherche d'identité, Pascal Tassi. Effectivement, c'est long parce que on n'a jamais trouvé, en même temps que le squelette de Sansans, le squelette de l'espèce que Cuvier, lui, avait décrite. Alors on trouve des restes fragmentaires qui se ressemblent beaucoup, et il est parfois difficile de faire des associations entre les défenses des uns, les molaires des autres, les bouts de crâne du troisième. Donc on a tâtonné assez longtemps sur non seulement l'identification, mais le dénombrement d'espèces contemporaines. Si on prend l'exemple actuel, il y a un seul éléphant en Afrique, un seul éléphant en Asie. Trouver 2, 3, 4 proboscidiens, c'est-à-dire le groupe auquel appartiennent les éléphants dans un même site, c'est étonnant. Et pourtant, maintenant on le sait, c'est la réalité. Donc, quelquefois, y compris pour des fossiles très anciens, la connaissance tarde à s'exprimer. Donc il a fallu attendre les années 70-80 pour bien saisir les affinités de cet animal. Et Tobin, le premier, a vu à partir de détails anatomiques, notamment sur les défenses d'ailleurs, dont on parle beaucoup, eh bien a vu que cet animal était apparenté à des fossiles qui étaient jusque-là connus uniquement en Asie, puis Europe de l'Est, ensuite Asie du Sud, Afrique de l'Est. Et maintenant, donc, on a bien compris que ce petit groupe à grande extension, certaines espèces sont même passées en Amérique du Nord, ce petit groupe comptait en son sein le fameux mastodonte de Sansans qui s'appelle donc maintenant l'archéobélodon Fioli, en l'honneur d'un paléontologue qui lui aussi a fouillé à Sansans, Henri Fiol. Et donc qui aujourd'hui a retrouvé son identité. 14h31, vous êtes sur France Culture et c'est Musique de Nuit de Balak et Sissoko et Vincent Segal que nous entendons, un choix de nos deux invités aujourd'hui, et le morceau est intitulé Super Étoile et c'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture en direct et donc en compagnie d'Alexandre Mille, conservateur du patrimoine, et en duplex de nos studios de Radio France à Toulouse, Pascal Tassy, paléontologue, professeur émérite du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et tous les deux avec Jean-Guy Michard, ont commis un livre intitulé « Le secret de l'archéobélodon, deux siècles d'enquête sur un fossile mythique ». Un très beau livre, une belle histoire, paru aux éditions Belin avec le muséum. L'histoire d'un mastodonte, dit de Cuvier, joyau du muséum, qui aujourd'hui a retrouvé son histoire et son identité et qui témoigne aussi de l'évolution de la pensée scientifique au cœur d'une galerie de paléontologie à qui l'on a sans cesse promis une belle restauration, comme on va en prendre la mesure dans cette allocution du ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, par la voix de Régis Royer en direct, toujours à mes côtés. Et donc c'était le 26 juin 1963, à l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque du muséum. Monsieur le directeur, il m'est agréable de terminer cette allocution en vous remerciant, vous et vos collaborateurs, pour la tâche immense que vous venez de mener à terme. Une des plus belles collections de votre muséum, celle des livres, a trouvé un toit digne d'elle. Monsieur Julien Quin et sa direction vous y ont aidé avec foi et efficacité. Je me plais à les en remercier ici. Et ce n'est là assurément qu'une étape. Pour les autres collections, pour la paléontologie, pour la botanique, pour les sciences de la Terre, et j'en passe, je vous promets l'appui d'un ministre convaincu du rôle exceptionnel de votre mission. Permettez-moi cependant d'espérer que la modernisation du muséum ne sera pas une mutation brusque et que, fidèle à la tradition d'évolution de votre maison, le muséum sera amélioré, certes, mais gardera son charme, sa mesure humaine et toutes les fleurs de son jardin. Pascal Tassy, je me tourne vers vous. Alors, la galerie de paléontologie, la pauvre, j'ai envie de dire, parce qu'on le sent tout au fil de votre livre, hein, elle aurait dû être rénovée jusqu'au bout, elle n'a jamais été entièrement, elle attend son embellissement, et alors de gouvernement en gouvernement, en tout cas, les promesses sont là, et elle n'a jamais été achevée. Oui, les promesses étaient déjà là le jour de l'inauguration de ce nouveau bâtiment en 1898, oui. Puisque faute de crédit, déjà, eh bien le bâtiment finalement faisait la moitié de la longueur prévue. Et donc il a été brutalement arrêté par un mur très simple qu'on a appelé le mur d'arrêt. Et tout le monde au muséum à l'époque, et Albert Gaudry le premier, non seulement regrettait cet état de fait, mais était convaincu que ce n'était que partie remise. Le ministre de l'Instruction publique de l'époque, Léon Bourgeois, qui était d'ailleurs un grand politicien de la Troisième République, qui sera prix Nobel de la paix, tout de même, eh bien, Léon Bourgeois avait bien compris les demandes du directeur du muséum de l'époque, Alphonse Milne-Edwards. Il avait laissé entendre aussi que bien c'était parfois difficile de convaincre le Parlement de toutes les nécessités, de tous les besoins. Bon, là, le besoin, c'était de terminer la galerie. Effectivement, dans les années 60, la galerie n'avait pas été terminée. Et le professeur de paléontologie de l'époque, Jean-Pierre Lehmann, avait fait construire un laboratoire associé au CNRS à l'emplacement de ce mur d'arrêt. Autrement dit, il avait scellé l'inachèvement de la galerie, c'est-à-dire l'aspect grand public de la paléontologie. Et c'est pourquoi il avait monté un projet d'un musée de l'évolution, un nouveau musée. Il avait en cela le soutien de Roger M, qui parle de ce musée de l'évolution dans son allocution. Et à ce moment-là, Christian Fouché, effectivement, souhaite que la mutation ne soit pas trop brutale. Et effectivement, elle ne fut pas brutale du tout. Et alors, il y a une tentative, bien sûr, en 1999 aussi, avec cette exposition Haussement, de remettre un petit peu la question sur la scène. Alors, on va tout de suite partir dans les archives sonores de l'INA et écouter un reportage proposé sur France 3 dans le 19-20 par Laurent Debesse. C'était le 8 janvier 1999, au cœur de l'exposition au muséum, justement, cette exposition Haussement, avec en interview le directeur de la galerie de paléontologie, Philippe Taquet. Ces bâtiments étaient vétustes, on était encore en 110 volts. Vous voyez, c'était un bâtiment tout à fait à part dans Paris aujourd'hui. la pluie commençait à tomber à l'intérieur de la galerie, et elle n'était plus non plus aux normes de sécurité. On risquait le feu, et les sorties de secours n'étaient pas au point. Donc il y a eu un chantier permettant de rénover tout cela pour le confort du public et sa sécurité d'abord. Nouvel éclairage, nouveau système d'air pulsé et réparation de la verrière, mais ce sont les vitrines qui profitent des plus importantes transformations. Une évolution qui se fait en harmonie avec le bâtiment centenaire. Une opération qu'on appelle de préfiguration, qui consiste à tester notre savoir-faire, c'est-à-dire à respecter l'architecture magnifique du XIXe siècle et en même temps à moderniser les présentations en donnant des textes beaucoup plus pédagogiques, en refaisant les vitrines pour restaurer leur beauté et en expliquant mieux, au fond, les messages scientifiques. Vous voyez une différence entre ces vitrines et les vitrines qui sont là-bas ? Celles-ci sont plus récentes, certainement. Comment vous les trouvez ? Elles sont très belles, oui, elles sont bien présentées. C'est intéressant, justement, de voir les mouvements et tout ça, oui. Ça a l'air plus neuf, oui. C'est vrai que c'est mieux là-bas. Et au vu de l'affluence du public, cette première étape de rénovation est un succès. Un argument de poids pour que les pouvoirs publics débloquent les 150 millions de francs nécessaires à la deuxième phase des travaux de ce musée unique au monde. Pascal Tassi, les 150 millions sont partis où ? Ils naviguent de droite à gauche au fil des majorités. Effectivement, à l'époque, tout le monde était convaincu que Philippe Taquet allait rééditer un exploit qui était lui-même centenaire, puisque Taquet avait obtenu la rénovation de la galerie de zoologie, qui est devenue la grande galerie de l'évolution d'ailleurs. Il avait convaincu le président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand. Et un siècle plus tôt, la galerie de zoologie avait été construite en 1889. Et 10 ans après, le nouveau bâtiment d'anatomie comparée paléontologie était construit. Il était convaincu que 10 ans plus tard, la rénovation de la galerie de paléontologie et celle d'anatomie comparée seraient proposées au public. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, c'est très très compliqué de discuter avec nos tutelles de l'équilibre entre la recherche d'un côté, l'enseignement supérieur de l'autre, et puis l'accueil du public. L'un des maux dont souffrent les musées en général, pas seulement le Muséum national, c'est la nécessaire prise en compte de l'intérêt du public pour les expositions temporaires. Il en faut pour dynamiser les musées. Sauf que la référence continue qui propose au public de revenir s'il en a envie, voir quelque chose, sachant qu'il y a une sorte de pérennité, c'est le souci des galeries permanentes. Et donc les galeries permanentes ne sont pas là pour entreposer un savoir figé, mais elles sont là pour vivre également. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, indiscutablement. Mmh. Alors Alexandre Humil, la question qui se pose aussi, c'est celle de la présentation de ces spécimens au public, parce que on sent aussi à travers le livre tout l'intérêt qu'il y aurait à faire partager au public, justement, l'histoire de ces fossiles, de leur découverte, celle de leur montage, comme le squelette de Sansan. C'est tout un pan, effectivement, qui échappe en grande partie au public. Après, la galerie propose des défis au niveau présentation qui sont très intéressants et très stimulants à relever, c'est-à-dire que c'est un lieu unique au monde par son esprit. Vous vous baladez dans des galeries qui sont art nouveau, qui sont aérées, qui sont ouvertes sur l'extérieur, avec des spécimens qui sont montés, qui ont chacun leur histoire. Et peut-être s'appuyer sur les nouvelles technologies comme on le voit à l'heure actuelle. Après, c'est vrai que ça reste tributaire du visiteur qui a ce support à sa disposition. Celui qui n'a pas l'équipement ne peut pas y accéder. Voilà. C'est l'un des problèmes à relever. Pascal Tassi, sur cette question-là de la présentation des spécimens au public. La question que vous soulevez, elle est double et elle s'appuie notamment sur ce squelette-là, puisque c'est le premier squelette de mastodonte jamais monté en Europe. Donc c'est un pionnier, ce squelette. Pas seulement ceux qui l'ont réalisé. Et effectivement, faudrait-il expliquer au public l'histoire de ce squelette, les erreurs, parce que ce squelette, il est pas très très bien construit, selon les standards d'aujourd'hui. Et oui, parce que tout ne lui appartient pas. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais vous le présentez dans le livre. C'est vrai qu'on voit bien de quoi il est constitué et de multiples, finalement, d'autres espèces. Enfin, pas d'espèces, mais d'autres, comment on peut dire, mastodontes ou spécimens. Si, vous avez raison. vous avez raison. Autre espèce, il y a plusieurs espèces. Hein, et même une, il y a même un doigt qui n'appartient même pas à un proboscidien, qui a été mis là par erreur. Mais une erreur. Pour les années 1850, tout à fait excusable. D'accord. Donc, il est composé de ce squelette. Bon, il y a un cœur, comme on dit. Il y a une grande partie de ce squelette qui appartient à un seul individu, celui découvert par Lorillard. Et puis, il a été complété par des ossements et aussi par des reconstitutions en bois, notamment la cage thoracique. Donc, ce squelette se prête bien à une explication de texte, si j'ose dire, sur l'histoire des sciences paléontologiques. Il ne faudrait pas non plus, à mon avis, ce n'est qu'un avis, que la galerie de paléontologie devienne une galerie de toutes les erreurs de montage que l'on a pu faire depuis qu'elle existe. Et il y en a de nombreuses. Et en même temps, c'est aussi l'histoire de l'avancée des sciences. Bien sûr. C'est très compliqué. Cette galerie a été conçue par Albert Gaudry comme devant illustrer l'évolution. C'est-à-dire le visiteur se promène dans le temps et voit les différentes espèces succéder, les faunes s'organiser et pour finir sa visite à l'ère quaternaire. Bon, ceci a été un petit peu chamboulé en 1998, mais ça reste quand même le thème du parcours global du visiteur. Si l'on choisit d'autres thématiques sur l'évolution de l'histoire des sciences, c'est un défi, c'est intéressant. Est-ce que ça peut se faire à l'échelle de toute la galerie ? Ça, c'est un sujet de discussion particulièrement intéressant aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour ceux qui voudraient aller le voir, ce fameux squelette, donc direction la galerie de paléontologie, Alexandre Mille ? Tout à fait, il est juste à côté du grand mammouth de Durfort, à sa gauche. Bon, très bien. Merci à tous les deux. Merci Alexandre Mille, merci Pascal Tassy. Je rappelle que vous avez écrit le livre donc avec Jean-Guy Michard et ce livre, son titre, c'est Le secret de l'archéobélodon, deux siècles d'enquête sur un fossile mythique, paru aux éditions Belin avec le Muséum. Merci à Régis Royer aussi pour nous avoir fait plonger dans ces textes d'époque. Et à vous conseiller bien sûr d'investir le Muséum de Paris en cette semaine de la fête de la science, et puis en tout temps d'ailleurs, mais aussi je renvoie aujourd'hui à celui du Havre, qui au-delà de sa grande exposition coulisses qui dure jusqu'au 30 avril 2016, avec des trésors d'ailleurs jamais présentés depuis 1944, bien propose une Rhino Week sur le thème de la préservation des espèces et vous permet aussi de vivre une taxidermie en public. Vous trouverez le lien sur notre site d'émission et puis sur toujours ce thème sur la nature, et bien dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de bois, sachez que demain, vendredi 9 octobre, une journée d'études sur le thème empire et environnement a été organisée par l'historien Rémi Luglia avec du beau monde, tout ça dans le grand amphi de l'école du paysage à Blois, et c'est avec l'association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, le réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale et puis le comité d'histoire du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez sur le lien de notre site d'émission bien sûr, qui n'est pas fini. Restez avec nous, c'est la suite de la marche. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec aujourd'hui notre partenariat avec le magazine Pour la Science, dont le numéro d'octobre propose un dossier sur les dernières révolutions en matière génétique et l'ADN modifiable à volonté. Une technique qui va accélérer les progrès des connaissances en biologie et en génétique, mais qui peut aussi être utilisée à mauvais escient, d'où des questions et des débats éthiques que vous retrouvez dans ce numéro. Et puis dans ce riche numéro, autre innovation, autre temps, celui du daguerréotype et de ses effets en matière de connaissance de la lumière. Bonjour Jérôme Fatté. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire et en épistémologie des sciences à l'Université de Limoges et auteur de cet article en page Histoire des sciences, le daguerréotype qui mesurait la lumière. Alors dites-nous d'emblée, ce daguerréotype a été présenté par François Arago à l'Académie des sciences en août 1839. C'était quoi le principe ? Le principe du daguerréotype, c'est de réussir à fixer une image à l'aide de substances photosensibles, c'est du chlorure d'argent la plupart du temps, sur une plaque de métal pour obtenir une photographie en positif simple, donc avec un exemplaire unique. Je ne sais pas s'il était dans l'assistance, vous allez nous le dire, mais il y a un jeune licencié S-Sciences Physiques qui a tout juste 19 ans et qui, en fait, a compris que là se jouait vraiment quelque chose. Oui, il n'était pas dans l'assistance, mais je pense qu'il a été informé bien avant la publication de ce procédé de cette nouveauté. Et c'est Edmond Becquerel qui, à 19 ans, enfin, voilà, on peut imaginer ce que peut faire un jeune homme l'invention d'un la découverte d'un tel procédé et l'émotion et la stimulation intellectuelle que ça peut représenter. Oui. Parce que lui, en fait, il faut d'emblée plonger dans son parcours, dans son CV, j'ai envie de dire. Il est issu d'une famille où la réussite se conjugue avec le travail. Hein. Son père, c'est l'académicien Antoine César Becquerel. Oui, il appartient, Edmond Becquerel, à la deuxième génération d'une dynastie de scientifiques, puisque le fils d'Edmond Becquerel, le petit-fils de César Becquerel, ce sera Henri Becquerel, le prix Nobel de physique, aux côtés des Curie. Donc il y a une véritable volonté de travail scientifique et de développement de la famille d'un point de vue à la fois social et scientifique pour César Becquerel, oui. Mais alors Edmond Becquerel, lui, à 19 ans, ne s'intéresse pas uniquement à la photographie. Son terrain d'étude, c'est plutôt la nature du rayonnement solaire. Exactement, oui. Il débute un travail de recherche, de thèse en 1838, donc un an avant la divulgation, disons, du procédé du daguerréotype, sur la nature du rayonnement solaire. Et la rencontre, en fait, entre cette nouvelle technique que va être la photographie ou la daguerréotypie et son travail de recherche dans le laboratoire de son père va l'amener à de grands travaux et de grandes découvertes pour un très jeune homme. Mais alors dites-nous justement, quel est le lien entre ce procédé de daguerréotype et Edmond Becquerel qui, lui, travaille sur d'autres types d'appareils? Alors c'est un lien technique principalement, je pense, puisque Edmond Becquerel cherche à cette époque-là à caractériser, disons, la nature de la lumière solaire, à la comprendre, à l'analyser. Et il le cherche par des moyens qui seraient, si possible, détachés des sens humains, et en particulier de la vision, qui est l'outil à l'époque principal pour l'analyse de la lumière. Et il envisage de le faire par l'intermédiaire des substances qui réagissent sous l'effet de la lumière, par l'intermédiaire des substances photosensibles. Et il en viendra, à partir de 1840-1841, à utiliser les plaques daguerréotype comme détecteurs de la présence de lumière et à utiliser les réactions photosensibles ou électrophotosensibles qui se produisent comme moyen de mesurer les effets de la lumière. Donc il procède beaucoup par l'expérience, parce qu'on a parlé de sa famille, hein, la famille Becquerel. C'est vrai que tant pour son père Antoine César que ensuite pour son fils, donc Henri, il y a vraiment cette façon de considérer que l'expérience doit venir vérifier, asseoir des hypothèses. Mais Edmond Becquerel, Jérôme Fatté, se retrouve à une époque où finalement ça ne va pas être si facile, parce qu'il va coaliser contre lui des oppositions. Oui, on a deux phénomènes, disons, qui se rencontrent. D'abord, César Becquerel insiste vraiment sur l'importance de l'expérience et du fait expérimental par rapport aux réflexions théoriques. Il forme son fils vraiment de cette manière-là. César Becquerel écrit « Les faits restent, les théories passent », ce qui est assez clair. Et d'autre part, ses travaux sur la lumière se positionne à un moment où le débat est assez fort entre différents courants, les défenseurs de la théorie ondulatoire, les défenseurs de la théorie corpusculaire sur la nature de la lumière. Et Edmond Becquerel, qui est tout jeune, se trouve, disons, impliqué, peut-être contre son gré, dans ce débat sur la nature de la lumière. Et c'est par l'expérience qu'il pense pouvoir apporter des éléments nouveaux, et donc en cherchant au maximum à ne pas prendre de position théorique. Et finalement, il aura raison. Il aura temporairement raison, disons, mais en tout cas, il apportera des éléments qui permettront d'appuyer la théorie ondulatoire au détriment de la théorie corpusculaire et qui lui permettront, disons, de remporter une controverse importante théorique qui se déroule entre lui et quelques autres auteurs et les défenseurs de la théorie corpusculaire, tels que Jean-Baptiste Biot, par exemple, qui est... qui était un grand monsieur quand même à l'époque. Eh oui, physicien, doyen de la faculté des sciences de Paris, membre de l'Académie des sciences. C'est vrai que face à ce jeune homme de 20 ans, difficile quand même, situation pour Edmond Becquerel. Ah oui, je pense que la situation est inconfortable. Et si, probablement, disons, je dirais, sans avoir beaucoup d'éléments pour appuyer ça, je pense que probablement il n'aurait pas pu... participer et soutenir le débat sans le soutien de son père qui est lui-même académicien. Alors finalement, donc, il va utiliser un type d'appareil que vous décrivez d'ailleurs dans le magazine pour la science d'octobre, l'actinomètre électrochimique de Becquerel. Et vous dites de lui qu'il est finalement, ou on peut le considérer comme le découvreur de l'effet photovoltaïque, c'est vrai? Oui, c'est un sujet compliqué parce que finalement, Edmond Becquerel est celui de la dynastie des Becquerel qui est le moins connu. Ce qu'il reste de lui, c'est l'idée qu'il a découvert l'effet photovoltaïque. Et ce que j'essaye de montrer dans mon travail, c'est que s'il découvre qu'il existe des effets électriques produits sous l'influence de la lumière, pour utiliser ces mots, et ces effets qu'il nomme lui-même effet photovoltaïque, ce sont des effets qui sont extrêmement différents de ce qu'on peut trouver dans le fonctionnement des panneaux solaires actuels, par exemple. Donc on pourrait dire qu'il invente le mot, mais que dans son usage actuel, il ne découvre pas le principe des panneaux solaires, disons simplement. Et puis, on n'a pas le temps de tout raconter, mais on laissera les auditeurs découvrir votre article, bien sûr, Jérôme Fatté. Il participe à tout un travail sur les ultraviolets. Ce qui est intéressant aussi, Jérôme Fatté, c'est que vous parliez de votre travail, parce que vous avez fait une thèse de doctorat en histoire des sciences sur les recherches d'Edmond Becquerel sur la nature de la lumière entre 1839 et 1843, histoire d'une interaction réussie entre science et photographie. Et dans ce cadre, vous avez utilisé la réplication d'expériences historiques. Ça veut dire que vous êtes mis à la place d'Edmond Becquerel et que vous avez refait les gestes qu'il a pu faire, lui, en son temps? C'est ça. L'exercice consiste à essayer de reproduire les expériences et les instruments en se plaçant au plus près des conditions de l'époque. Il a fallu essayer de comprendre comment étaient construits les instruments pour les refabriquer, puisqu'ils n'existent plus, en travaillant avec des artisans qui ont conservé certaines techniques de fabrication du 19e siècle, pour reproduire les instruments et ensuite mettre dans les conditions de l'époque pour reproduire au plus près les expériences de l'époque, retrouver les gestes, retrouver l'organisation du laboratoire et essayer de comprendre comment on peut produire des résultats d'une telle qualité. C'est vraiment presque de l'archéologie de l'histoire des sciences, hein, Jérôme Fatté. Merci en tout cas, merci pour cet article que vous nous proposez dans le magazine Pour la science du mois d'octobre. Je rappelle le titre de votre article, le daguerréotype qui mesurait la lumière, et donc à retrouver bien sûr aussi sur le site de franceculture.fr, la marche des sciences, et le lien est là justement pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives, et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an et nous suivre également sur Twitter. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Catherine Donnet qui œuvre à mes côtés avec passion et patience pour la préparation de l'émission. Régis Royer pour la lecture des textes. Anaï Morales et Gwen Michel pour les archives sonores INA. Sans oublier Janine Vital de la documentation sonore de Radio France. À la réalisation, notre chère Alexandra Malka, à la technique à Paris, Emmanuel Dupuis, et à Toulouse, Vincent Jacob. Et la semaine prochaine, eh bien, on vous parlera de l'actualité extraordinaire des cartes de Cassini et d'une bande dessinée aussi sur le scientifique Alan Turing.